Gaza. What about Gaspar Gomez? What is he going to do when you start moving 2,000 feet? Fuck Gaspar Gomez! And fuck the fucking Gaspar Gomez! Toutes des putes ici, tout se finira ailleurs. Là où y'a le corps y'a la mort, remets-toi de tes frayeurs. Le prédateur est proie, chacun se bat pour ce qui est à lui. La vie dans nos vivants, les formules pour comprendre sa fille. L'un chasse la solitude, l'autre la tristesse. L'un cache la révolte, l'autre montre sa richesse. Plus de place pour la douceur, ni pour les mises en scène. Un nouvel amour remplace l'ancien, c'est ce que nous pointe en scène. Y'a pas d'autre couleur, à part celle de l'argent. Je dis que la société dure que la change et même en la braquant. La colère est sans fin, la douleur est sans nom. Les souvenirs d'enfants deviennent des souvenirs en mort. On vit tous les jours comme si c'était hier. S'en bat les couilles de tout, chaque vie est peut-être la dernière. Tout va de travers, mais tout se rejoint. Tout ce qu'ils ont, ils en sont fiers. Et nous, on n'en a pas besoin. Toute chose à savoir, tout est en nous-mêmes. Une seule règle d'or, restez vrai jusqu'au dernier, je vous aime. On ne peut rien changer, même si on le voulait. Souviens-toi, leur joie, c'est notre peine qui est cagoulée. Tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'ils détestent. Tout à gagner, rien à perdre, victoire ou défaite. Quartier attitude, c'est le message de la rancœur dans de grands cœurs, du savoir-vivre dans de messages. Cherche pas à comprendre si t'es pas de là. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. T'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. T'attendras combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones, tout ce bordel. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. Et t'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. Il faudra combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones. L'arnaque vise le maximum. Captif à Babylone, dans chaque coin ça gratte. Rêve de plaque, or et platinum. Paranoïaque, sous cognac, Skyrim ou Valium. On craque les tabracs pour le pétrole, le gaz et l'uranium. Diamant du Sierra Leone, raquette internationale. Comme si je rentrais avec un lance-roquette dans la banque mondiale. Pourquoi tu me blâmes, je suis que le fruit de mon époque. Le diable veut échanger mon âme contre 21 grammes de coke. Trop de corps sur le carreau, le destin fait pas de cadeau. Les jeunes fâchent, les guns crash pour le cash d'Escobar Pablo. Chacun veut sa part du gâteau, même si la faim approche. Jette-nous du bateau, les morts de faim s'accrochent. Ça cloche, ta poche, ta Porsche. Si ça score, qu'on t'amoche à la pioche, dis adios. Oublie l'amour, on joue pour la survie. Chaque jour, comme si c'était notre dernière nuit. Pour une vie normale, on peut pas. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. T'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. T'attendras combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones, tout ce bordel. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. Et t'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. Il faudra combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones. Faut le courage et les poings serrés. Qu'est-ce que tu veux espérer? Dans nos zones, on compte plus ni les morts, ni les gens cancérés. Ni ceux qui trinent, ni ceux qui baissent les bras, se laissent aller. Ils frimaient leurs combines, ne les mèneront pas à 30 balais. Pour se défendre, faut trimballer de la coque et des armes. La patte du guet pousse mes frères à vendre leurs armes. Dans ce contexte où t'es amené, écoutez un sage. Ghettoisé, pris en otage, normal qu'on ait la rage. Cette vie décourage les plus déterminés, les plus vaillants. La réalité, c'est qu'on dort dehors même en travaillant. Au fond, ce monde, on le déguste pas, on le subit. Toi, tu goins, mais dans nos coins, sache qu'on survit. En manque de fesses, de pain, chaque jour a ses peines. Dites-vous bien que si on se plaint, c'est parce que la coupe est pleine. Marre d'être pris pour cible juge. Condamné à tort par une France qui voudrait nous voir en prison ou mort. Cherche pas à comprendre si t'es pas de là. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. T'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. T'attendras combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones, tout ce bordel. Ça t'étonne, les jeunes défoncés, les gamins qui déconnent. Et t'applaudis des deux mains quand les condés les décomment. Il faudra combien de temps avant de nous traiter comme des hommes? C'est pour tous les coins, toutes les zones, toutes les zones, toutes les zones, toutes les zones.